Je suis assisté à la mise en onde par Alphonse Koubguimana. Vous écoutez la radio Isanganiro. Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce 1er avril 2022. D'abord l'essentiel. Ouverture ce vendredi de la session parlementaire d'avril à l'Assemblée nationale et au Sénat. À la Chambre basse du Parlement, le projet de loi budgétaire exercice 2022-2023 est sur la table pour cette nouvelle session. Persistance de pénurie de carburant à mairie de Bujumbura, mais le président burundais trouve qu'il ne faut pas augmenter les prix de certains produits phares, dont le carburant, afin d'encourager les Burundais au développement. Notre reporter du jour nous conduira en Provence et Muyinga, et c'est pour nous parler des blocages à l'épanouissement économique des femmes. Voilà pour l'essentiel. Rebonjour. L'Assemblée nationale a ouvert ce vendredi la session parlementaire ordinaire d'avril. Au cours de cette session, les élus du peuple auront analysé plus de 10 projets de loi. Parmi eux figure le projet de loi relatif au recrutement du personnel domestique entre le Burundi et l'Arabie Saoudite. Et celui relatif au projet de loi budgétaire exercice 2022-2023. Suivez plutôt Daniel Gélaz Ndabirab, président de l'Assemblée nationale. Cette session parlementaire d'avril 2022 s'inscrit donc sur ce bon élan. Sur le plan d'analyse et de vote de projet de loi, l'Assemblée nationale va se pencher sur l'ordre du jour qui lui a été envoyé par le gouvernement et qui comprend les projets de loi suivants. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord modifiant pour la deuxième fois l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d'une part et la communauté européenne et ses États membres d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, le projet de loi portant ratification par la République du Burundi de l'accord sur l'établissement de la force en attente d'Afrique orientale. Le projet de loi organique portant révision de la loi organique numéro 1/04 du 20 février 2017 portant mission, organisation, composition, instruction, conditions de service et fonctionnement de la Force de défense nationale du Burundi. Le projet de loi portant ratification par la République du Burundi des accords sur le recrutement des travailleurs entre le gouvernement de la République du Burundi et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite. Conformément à l'article 182 de la Constitution de la République du Burundi, la session parlementaire ordinaire d'avril est une session budgétaire. Avant la fin du mois de juin 2022, l'Assemblée nationale sera saisie pour analyse et adoption du budget général de l'État pour l'exercice 2022-2023. Globalement, l'Assemblée nationale approuve la politique économique du gouvernement qui vise à développer le pays et à assurer une vie saine à l'ensemble de la population burundaise. Daniel Gélaz Ndabirabe, il est président de l'Assemblée nationale. La même session parlementaire a été ouverte à la Chambre haute du Parlement à Gitega. Infrastructure à présent, les conducteurs de véhicules empruntant la route Bukemba-Sosumo-Giharo se lamentent des dodanes de cette route fraîchement installée. Ils disent qu'au niveau de la localité Mouzier en commune Giharo, ces dodanes ont des dimensions extrêmes et empêchent les voitures, surtout de type Probox et des motos chargées, de passer facilement. Ils demandent qu'ils soient reconstruits. De son côté, Lydie Nihimbazwe, administrateur de la commune Giharo, promet la révision prochaine de ces travaux. Venus Tenhiramaka. Ces deux dames se trouvent au chef-lieu de la zone Mouzier, commune Giharo en province de Rutana. Ce sont des deux dames en béton. Les chauffeurs rencontrés sur place grognent que ces deux dames sont hors normes. Selon ces chauffeurs, il est impossible de passer par ces deux dames une fois que vous avez une voiture type Probox chargée. Mais si la voiture n'est pas chargée, elle passe difficilement. Cette situation est la cause de la destruction de leurs voitures. Les mêmes problèmes se remarquent chez les chauffeurs des motos. Ces derniers disent qu'ils éprouvent des difficultés de passer par ces dodanes. Selon ces transporteurs, pour éviter la destruction de leurs voitures et motos, ils passent à côté de la route malgré que c'est devant les maisons d'habitation. Les propriétaires de ces maisons se lamentent que ces chauffeurs démolissent leurs petits champs de haricots qui s'y trouvent. Ils demandent à ce que ces dodanes soient reconstruits. De son côté, Lydi Nihimbazwe, administrateur de la commune Giharo, fait savoir que ces dodanes ont été installées avec l'objectif de diminuer les accidents de roulage. Elle tranquillise en effet ses chauffeurs que les imperfections dans la construction de ces dodanes sont connues et promet la reconstruction de ces derniers. Depuis Rutana, Veniste Nihiramhaga, Radio Isanganiro. Merci Veniste Nihiramhaga. Parlons commerce à présent, la pénurie de carburant. De type essence et mazout persiste à mairie de Bujumbura. Certaines stations-service se passent 2 jours et d'autres 3 jours sans être approvisionnées aux stations Delta, l'avenue Mosso et Oilex, et Nyakabigan commune Mukaza. Les stations et les demandeurs de ces produits pétroliers demandent aux autorités habilitées de régler cette situation dans les meilleurs délais. Et entre-temps, le président de la République trouve que la non-inflation des prix de certains produits de première nécessité dont le carburant encouragerait les Burundais au développement économique. Le président Évariste Ndayishimiye l'a dit ce jeudi lors de la prière organisée par le parti au pouvoir tous les derniers jeudis de chaque mois. Suivez le numéro 1 Burundais Évariste Ndayishimiye. Soyons plus clairvoyants, sachant comment construire notre pays. Pour y parvenir, premièrement, vous vous mettez ensemble, pas de débandade. Ne pas partager de partis politiques, c'est très normal. Mais nous avons un même et seul pays. Ne pas partager d'ethnie, c'est aussi très normal. Rapprochons-nous et mettons-nous ensemble. Je vous dis que la communauté internationale affirme que le Burundi a déjà fait un pas de géant. Tout le monde dit que la bonne gouvernance est renforcée. Ils demandent quel est le secret et moi je réponds que c'est la grâce de Dieu qui donne la pluie et un bon sol et que nous nous mettons au travail. Donc, il faut aller de l'avant et ne pas reculer. Ne nous fions pas aux dires selon lesquels nous sommes pauvres. Moi, j'ai vu que la réorganisation de notre économie avec 2022-2023, je réaffirme qu'en 2023, ces slogans de pauvreté de notre pays ne seront plus là. C'était le président de la République, Évariste Ndayishimiye, qui était traduit en français par notre confrère Armel Moutol. Après une courte pause, parlons justice. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h05 et dans les yeux de la radio Isanganiro, pour suivre cet essentiel, passez au www.isanganiro.org si vous êtes à l'extérieur du pays. 3 personnes habitant le quartier Mugomere de la ville de Rumonge sont dans les mains de la police de Rumonge. Leur arrestation est intervenue depuis ce jeudi après être soupçonnés d'avoir violé la veille une servante dans un débit de boisson de la place. Après avoir refusé de régler la facture, le patron de la victime et les défenseurs des droits de l'homme à Rumonge s'inquiètent de l'aboutissement de ce dossier après que l'un des retenus ait été sollicité en pleine instruction pour une autre activité. Plus de détails avec notre correspondant depuis Rumonge, Jean-Pierre Misako. À la grande surprise du patron de la victime, un présumé violeur de son employé dans un débit de boisson à Mugomere a été sollicité pour répondre présent dans la prière de ce jeudi et revenir après, selon son patron, qui indique que l'officier de police judiciaire qui instruisait sur ce dossier a exécuté un ordre venu d'une personne dont il n'a pas révélé l'identité. Même si la personne en question a été réarrêtée ce vendredi matin pour rejoindre ses présumés complices au cachot de la police judiciaire de Rumonge, le patron de la survivante et les défenseurs des droits de l'homme à Rumonge qui suivent de près ce dossier s'inquiètent sur son aboutissement au regard de la pression extérieure sur ce dossier. Ils exigent des enquêtes minutieuses et punir le coupable conformément à la loi. Pour certains prestataires dans le domaine judiciaire à Rumonge interrogés, aucune tierce personne n'a le droit d'interrompre l'enquête d'un OPJ pour une quelconque sollicitation d'un retenu, sauf le parquet et là aussi pour la poursuite des enquêtes judiciaires. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago, le chef de l'État Évariste Ndayishimiye, interpelle les responsables du ministère des Affaires de la communauté est-africaine de mettre au clair tout ce qui empêche au Burundi de profiter de l'intégration à la communauté est-africaine comme il en est le cas pour d'autres pays membres de l'EAC. Dans un atelier de ce vendredi sur l'évaluation de l'état des lieux de l'intégration du Burundi à cette communauté, le chef de l'État a dit que certains Burundais ne savent pas ce que gagne le Burundi dans cette intégration. Raison d'être de cet atelier pour trouver solution aux questions des citoyens. Et à présent, revenons sur l'élément en rapport avec le carburant. La pénurie de carburant de type essence et mazout persiste à la mairie de Bujumbura. Certaines stations-service passent deux jours et d'autres trois jours sans être approvisionnées aux stations Delta à l'avenue Mosso et au Ilex et Nyakabiga. En commune de Mukaza, les stations et les demandeurs de ces produits pétroliers demande aux autorités habilitées de régler cette situation dans les meilleurs délais. Orné Lamouche. Aucune activité ne s'exerçait l'avant-midi de ce vendredi à la station d'Erta, située à l'avenue Mosso, tout près de l'avenue de l'université, suite à la pénurie du carburant de type mazout et essence. Des pompistes ont fait savoir qu'aucune goutte de carburant n'est servie depuis ce mercredi. Cette pénurie est beaucoup centrée sur le carburant de type mazout. Toujours en commune Mukaza, cette pénurie s'observe à la station Oilex Nyakabiga. Le gérant fait savoir que d'habitude, il recevait à peu près 25 000 litres de carburant, mais qu'actuellement, c'est juste 5 000 litres par semaine. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de carburant ici à la station. Auparavant, nous recevions 5 000 litres, par exemple, dans deux jours, mais aujourd'hui, nous ne recevons que 5 000 litres dans une semaine. C'est presque tout le type de carburant parce qu'il n'y a pas même le gazoil, il n'y a pas même d'essence. On demande au gouvernement et aussi à la ministère d'énergie et des mines pour qu'ils puissent vraiment trouver la solution à ces problèmes-là concernant le carburant. Thierry Yamoulemie, conducteur de taxi-voiture, dit être étonné de cette situation, même après la hausse des prix des carburants. Ce problème s'observe depuis longtemps, avant même la hausse du prix du carburant. Même aujourd'hui qu'on a monté le prix, cela pose toujours problème. L'une des stations où ils étaient en train de servir ce carburant, à l'ouverture de station Interpétrole de Djabé à l'avenue du peuple Murundi, des longues files d'attente arrivaient tout près du bar communément appelé Chenekumutwe. Cette persistance de pénurie s'observe même avant la hausse du prix de carburant, c'est-à-dire avant le 27 janvier 2022. Merci, Orné Lamoucho. Agriculture à présent en province de Ngozi. Grogne de certains agriculteurs de cette province suite à la charte des tuteurs pour le haricot volubile. Ils indiquent qu'ils vont cultiver le haricot nain malgré le bon rendement du volubile. L'interdiction de chercher les tuteurs dans les boisements domaniaux, particulièrement par les batois avoisinant ces forêts, est à l'origine de cette hausse du prix selon certains chefs de colline. Le Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage propose l'utilisation des cordes suspendues sur la perche fixée sur deux morceaux d'arbre comme nouvelle alternative au lieu d'abandonner le volubile Apollinaire Muzakar. Ces agriculteurs des différentes communes se situent proches des centres urbains, composés à majorité par des fonctionnaires, commerçants et autres qui n'ont pas d'eau forêt, disent être dépassés par la hausse exagérée des prix de ces tuteurs d'eau haricots. Selon eux, le prix a triplé, voire plus, en fardeau de bois, qui était à 2000 ou 2500 francs l'année passée, s'achète actuellement à 6000 francs, voire plus, d'où il y a du pain sur la planche, d'après eux, à tuter un chat d'eau haricots de 20 mètres sur 20. Certains disent avoir déjà abandonné la culture du haricot volubile et d'autres parlent de dernières saisons pour ce type de haricot malgré le bon rendement. Le chargé de la formation et vulgarisation au Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage conseille la poursuite de cette variété de haricots. Émile Bakizura Anvier propose une nouvelle forme de tutesse au haricot rampe. Selon lui, on utilise de simples cordes qu'on suspend sur une perche supportée par deux morceaux de bois fixés dans le sol. Ces cordes descendent jusqu'au sol et le haricot en profite pour monter. Une nouvelle alternative moins coûteuse d'après Emile Bakizura Anvier du BPA Ngozi. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganyiro. Merci Apollinaire Muzagara, non loin de chez vous. Cinq écoles de la commune Gasogwe qui souffraient d'un manque criant de bancs pupitres ont été dotées ce jeudi de 150 pupitres chacune, offert par le collectif des associations ONG féminines CAFOB. Un geste qui vient à point nommé selon les directeurs de ces établissements scolaires. Denis Nimbonera, de la Direction provinciale de l'éducation à Muyinga, conseille à ces derniers de prendre soin de ce matériel tout de suite. Reportage à la source. De l'autre côté de la cabine technique, le mot montre que l'indicatif du reportage à la source n'est pas disponible, mais les mœurs et les coutumes constituent le blocage à l'entrepreneuriat féminin en province Muyinga. Selon les femmes constituent le blocage à l'entrepreneur féminin en province Muyinga, selon les femmes rencontrées sur place par nos reporters, la crainte de domination chez les hommes expliquerait la restriction imposée à certaines femmes, ce qui handicape leurs activités. De son côté, le chef de cabinet du gouverneur conseille aux femmes d'associer leur mari dans leur projet au Mandouaï. Kenshi ntibakunda kuturekurira nyene ngo twinjiremo neza abasha bibaza yuko twaba tuyahombesha abo twubakanye. Le manque de capital et la restriction de liberté entrepreneuriale sont entre autres défis auxquels se heurte la plupart de ces femmes. Certaines femmes ne sont pas assistées par leur mari, ce qui les freine dans l'obtention du capital. Certaines des barrières sont liées aux mœurs et d'autres à la culture. Les femmes ont trop de respect envers leur mari, de par leur qualité de chef de famille. Les hommes estiment que lorsqu'une femme gagne financièrement mieux que le mari, elle ne le respecte plus. Nous les femmes, nous avons un manque d'estime de soi. Lors de la faillite, nous risquons de déprimer. Permettre aux femmes d'exercer librement leurs activités contribue au développement familial, témoignent certains hommes de Muyinga. Les couples doivent travailler en commun accord. Les hommes qui interdisent leurs épouses de se lancer dans l'entrepreneuriat, mieux serait de changer cette mentalité. Quelqu'un peut faire le commerce durant quelques années, mais plus tard tombe en faillite. Si on n'a pas associé l'épouse dans les activités entrepreneuriales, on manque d'appui à ce moment. Ma femme m'appuie dans toutes mes activités. De son côté, Denis Ndaruhekeye, chef de cabinet du gouverneur, conseille aux couples de travailler en commun accord. Nous avons toujours un problème lié aux barrières culturelles parce qu'il y a des femmes qui sont minimisées en disant qu'elles ne sont pas capables de faire ceci ou cela. Nous avons aussi un autre problème lié aux hommes qui deviennent des contraintes du développement de leurs femmes. L'essentiel, c'est la collaboration entre le mari et la femme, le dialogue dans la famille. Ça peut toujours rendre les hommes flexibles. Cette autorité appelle les couple à plus de flexibilité en ce qui est mœurs et coutumes afin de faciliter le développement de leur famille. Merci, Omer Ndouayo. Avant de nous séparer, l'actualité internationale au Kenya. La Cour suprême a invalidé ce jeudi le projet de réforme constitutionnelle du président Kenyatta. Elle a jugé illégal le processus de révision constitutionnelle porté depuis 2017 par le président kényan Uhuru Kenyatta, qui visait notamment à créer un poste de premier ministre et à augmenter le nombre de circonscriptions parlementaires. Selon nos confrères de la RFI, la Cour suprême du Kenya, qui met un coup d'arrêt à ses projets, au projet du président Uhuru Kenyatta à 4 mois d'élections présidentielles et législatives à fort enjeu. Et bien voilà, c'est par ici que nous mettons point final à cette édition de la mi-journée. À vous tous qui l'avez suivi, je vous remercie. Merci également à Séraphine Hakidzimana qui l'a mise en onde. Excellent après-midi à tous, au revoir.